Le loup, par Horace Van Hoffel. Un jour, je reçus une lettre de Chabanne. Chabanne me priait de venir le voir le plus vite possible. Il ajoutait en post-scriptum « Apporte ton appareil photographique ». Chabanne habitait du côté de Saint-Germain, dans la forêt de Marly. C'était un bon ami à moi, bien que je me trouvasse rarement en sa compagnie. Il avait le goût de la solitude, et ne venait à Paris que pour acheter des livres et des articles de chasse. On disait de Chabanne qu'il était un peu fou. C'est exagéré. Chabanne était tout simplement de trop bonne maison pour ne pas avoir son petit grain. Il descendait du comte de Chabanne, fameux pour ses équipages, ses meutes et ses mystifications, qui troublèrent la fin du règne de Louis XV. Les Chabannes furent toujours de grands forestiers. Mon ami avait chassé le puma en Amérique, le tigre dans les Indes. Sa mère, intrépide amazone, faillit périr à Compiègne lors d'une chasse à cour offerte par Napoléon III au prince royal de Suède. Il était près de 3 heures de l'après-midi lorsque j'arrivai à Saint-Germain. J'avais encore un bon bout de chemin à faire et Chabanne n'était pas venu à ma rencontre. C'était un homme trop rustique pour posséder une automobile. Mais comme il faisait une splendide journée d'octobre, j'en pris gaiement mon parti. Je m'engageai sur la route en chantant. L'air était d'une pureté éblouissante, un gouffre de cristal bleu. Bientôt j'entrevis la forêt, dormant belle et blonde sous le pâle soleil d'automne. J'y entrai, un calme divin pesait sur les cimes. De temps à autre, le cri angoissé d'un oiseau troublait le silence, puis c'était la chute d'une châtaigne éclatant sur le sol. Des arbres immobiles tombait une lente pluie merveille. Je pénétrai dans la région des chênes, au milieu des végétations. Ils poussaient tourmentés et solitaires, pareils à des géants pensifs, ayant chacun un nom et un visage. Quelques-uns s'exaltaient, massifs et droits, comme des colonnes de bronze. Certains semblaient lutter contre un obstacle invisible. Il y en avait dont les racines rampantes et les branches tordues évoquaient l'image d'un veillon caducé, planté dans la terre. D'autres faisaient songer à de monstrueuses cariatides armées de 100 bras pour porter le ciel. Le dernier chêne que j'aperçus me jeta dans l'épouvante. Une colère mystérieuse semblait soulever sa fauve crinière et ses ramilles serpentantes. On eût dit une gigantesque tête de méduse se mourant, hérissée, sanglante, sous les derniers feux du jour. Je me sentais plus petit qu'un insecte, le parasite infime d'un monde vierge et désordonné. Une vague crainte d'être mangé, dévoré, supprimé par cette forêt secrète et redoutable me poursuivait. Mais soudain, le paysage s'adoucit. La tragique futaie se métamorphosa en décor de féerie. Les feuillages se firent plus légers, et sur le rideau de gaze émeraude et de tulle d'or, les bouleaux d'argent jaillissaient en claires fontaines. En leurs tiges blanches était la fraîcheur des sources et la gaieté des eaux coulant sur l'herbe verte. Au loin, je devinais les 12 collines de l'Île-de-France. Tout près de là habitait Chabanne, dans un pavillon fort délabré datant du XVIIIe siècle. Lorsque j'y arrivais, le soir tombait déjà. Des ifs funèbres entouraient la triste demeure, abandonnée comme un tombeau au fond d'un jardin désert. J'appelai. L'écho seul me répondit, et cette plainte lointaine de ma propre voix me troubla davantage. Je criai plus bas, alors Chabanne apparut sur le seuil de sa porte. J'eus de la peine à le reconnaître. Il me semblait vieilli, ravagé, avec quelque chose de sinistre répandu sur toute sa physionomie. Je l'avais toujours connu correct, d'une élégance un peu rude, mais de haute allure. À présent, il avait l'air d'un vagabond ou d'un braconnier traqué par les gendarmes. Chabanne me fit signe de le suivre. Je fus stupéfait à la vue de son intérieur. Les meubles tombaient en ruine, aux fenêtres des toiles d'araignée remplaçaient les rideaux absents. Dans leur cadre éploré, les glaces étaient devenues si noires qu'elle ne reflétait plus que des images confuses, effrayantes comme des fantômes. « Entrons dans la salle à manger, » me dit Chabanne. La salle à manger ne valait guère mieux que le reste. Les tentures pendaient en lambeaux, les chaises boitaient. Au mur, l'humidité avait abîmé un délicieux portrait, représentant un jeune homme en habit de velours vert, et portant une perruque poudrée et un jabot de dentelle. « Louis Dieudonné Chabanne de Maigret, grand louveté de France, » murmura Chabanne, en suivant mon regard. Il eut des aventures, mais d'abord à table. Il me montra un plat de champignons noirs et d'aspect inquiétant. « Attaquons ça. la table était sans linge, les couverts rouillés. « Tu n'as plus de serviteurs ?» demandai-je. « Tout s'enfuit, » ricana Chaban. « Hé, la forêt leur fait peur. Elle devient méchante, la forêt, les arbres. Tu ne manges pas ? Es-tu sûr de tes champignons ?»« Pff, quelle question ! Il y a 20 ans. »« D'ailleurs, c'est un nom de famille. Mon grand-père les mangeait tous. C'était le Mithridate des cryptogames. » Je commençais à trouver que mon vieil ami avait des manières peu rassurantes. Je me souvins de ce qu'on disait de lui. Avait-il vraiment la cervelle dérangée? Le soir était complètement venu et nous mangeons à la lueur d'une bougie. Elle éclairait le masque étroit de Chaban et projetait nos deux ombres très grandes et très noires sur le mur. Je frissonnais en jetant un coup d'œil sur ces ombres. Celle de Chaban dominait la mienne, et sa tête était surmontée de deux oreilles mobiles pointues comme des cornes. Chaban mangea à large coups de mâchoire. Il poursuivait. En vérité, rien n'est vénéneux ni venimeux. C'est un moyen de défense de la forêt. La forêt est attentive et pleine de ruses. Elle surveille l'homme et se moque de lui. Un jour, elle s'emparera du monde. Comprends-tu? Certaines espèces végétales et animales suggèrent qu'elle distille des poisons subtils et sans pardon. Nous les croyons. Et c'est pourquoi elle nous tue, par la peur. Ne crains rien. Je te ferai avaler une friture de tête de vipère. Grand merci. Tu doutes? Tout n'est qu'apparence. Connais-tu l'histoire du tigre? Aux Indes, on voit des fakirs qui assemblent la foule au son du tambourin. Le peuple se réunit. Alors le fakir appelle et un tigre sort du bois. Le tigre joue et vient caresser son maître. Des voyageurs européens ont maintes fois photographié ce spectacle. Or, sur le cliché obtenu, on voit le sorcier et le cercle des curieux, mais on ne voit jamais le tigre. Comment expliques-tu cela? Hypnotisme? Non, il y a un secret. Je le possède et je vais te le montrer tout à l'heure. As-tu apporté ton Kodak? Oui. Bien. Voici du magnésium pour photographier pendant la nuit. Qu'allons-nous entreprendre? Le jeu du fakir. Au lieu d'un tigre, tu verras un loup. Je suis loup-garou. Es-tu prêt? Voici que la lune monte au-dessus des arbres. Il est temps que j'aille courir la plaine. Chaban, perds-tu la raison? Il ne m'écouta pas. Les cheveux dressés, l'écume à la bouche, il se rua au dehors. J'entendis un hurlement sauvage monter vers les étoiles. Un court instant de peur panique s'empara de mon esprit. Je barricadai la porte instinctivement. Que faire dans ce lieu désert, loin de toute habitation humaine? Mais je repris mon sang-froid. Plus rien ne bougeait dans le jardin. La crise de Chaban se calmerait sans doute. Tout à coup, j'entendis gratter à la porte. Un souffle de bête traversa les jointures des planches. Je me mis à trembler, à tel point que j'eus honte de ma faiblesse. Mon devoir était de regarder, d'essayer de savoir ce que devenait mon pauvre ami. Je me penchai à la fenêtre. Un loup géant se tenait immobile au milieu de la pelouse. Ses yeux flamboyants étaient fixés sur moi. Ma frayeur tomba et je me mis à rire. « Ah, la farce est bonne. C'est bien joué. Mais je vais photographier cette bête fantastique pour montrer à Chaban qu'on ne m'épouvante pas aussi facilement qu'une petite fille ou un paysan. » L'éclair du magnésium brilla. Le loup s'enfuit comme un lièvre. À l'aube, Chaban rentra, dispo et gaillard. « As-tu vu le loup-garou ? » me demanda-t-il d'un ton railleur. « Oui, et je l'ai même photographié. »« Ah, et que dit la plaque ?»« La voici, le loup y est. » Chaban tomba en arrière, foudroyé. Le médecin qui vint constater le décès affirma qu'il avait été empoisonné par les champignons. Je fis semblant de le croire, bien que sachant en toute certitude que cela n'était pas vrai. C'était « Le loup » par Horace von Hoffel.